الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله، toujours dans la traduction du livre مختصر فقه الأسماء الحسنى، الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، قال المؤلف حفظه الله: الشهيد الرقيب. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن قرن معه في أحدها اسم الشهيد، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. ومعنى الرقيب أي المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. والإيمان بهذا الاسم وبمدلوله يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. Il dit, hafidhahullah, les deux noms divins d'Allah Azza wa Jal, le témoin, l'observateur. Al-Shahid, le témoin. Al-Raqib, l'observateur. Quant au nom d'Allah Al-Shahid, il a été cité dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, wa kafa billahi shahida, et Allah suffit comme témoin. Quant à Al-Raqib, il a été cité à trois reprises, dont une fois, il a été cité dans le même contexte que le nom d'Allah al-Shahid. Il dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana alaykum raqiba. Allah est certes observateur vis-à-vis de vous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba. Et Allah est observateur de toutes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset dont a parlé le Cheikh, dans lequel le nom Al-Raqib a été cité avec le nom d'Allah Al-Shahid. Dans le verset 117 de Surat Al-Ma'idah, lorsque Isa alayhi salam s'est adressé à Allah Azza wa Jal en disant: et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. En parlant des fils d'Israël. Falamma tawaffaytani, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Kunta anta raqib alayhim. Puis, il a conclu en disant, wa anta ala kulli shay'in shahid. Et tu es témoin de toutes choses. Ainsi, la signification du nom d'Allah al-Shahid, le témoin, c'est-à-dire celui qui observe toutes choses, rien ne lui échappe. Il entend l'ensemble des sons, ceux qui sont apparents comme ceux qui sont cachés. Il voit l'ensemble des choses existantes, comme qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient fines ou épaisses. La science d'Allah englobe toutes choses. Et Allah témoigne pour ses serviteurs et contre ses serviteurs selon ce qu'ils ont œuvré. Et le sens du nom d'Allah divin Al-Raqib, l'observateur, c'est-à-dire celui qui observe ce que renferment les poitrines. celui qui préserve les créatures et fait en sorte qu'elles vivent de façon parfaitement harmonieuse. Il est observateur de tout ce qui est vu par sa vue que rien ne trompe. Il est observateur de tout ce qui peut être entendu par son ouïe qui englobe toute chose. Il est observateur de l'ensemble des créatures par sa science qui cerne toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire en ce nom Ar-Raqib et à tout ce qui découle de ce nom divin doit faire vivre en le serviteur la surveillance d'Allah et qu'Allah le surveille et qu'Allah l'observe dans tous ses faits et gestes, dans toutes ses situations. Car le fait de savoir qu'Allah nous surveille fait partie des fruits qui découlent de la connaissance de ce serviteur qu'Allah Azza wa Jal l'observe, qu'il le voit, qu'il entend ses paroles, qu'il observe ses actes à tout moment, à chaque seconde, pendant chaque respiration et pendant chaque clignotement des yeux. ثم قال حفظه الله المهيمن المحيط. Les deux noms d'Allah divin, المهيمن المحيط. المهيمن, le prédominant. المحيط, celui qui cerne. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما الشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع فقال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا وقال تعالى إن الله بما يعملون محيط وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا وإحاطة علم فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإحاطة قهر فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه فقال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من الله أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. المهيمن المحيط, le prédominant, celui qui cerne. Quant au nom divin d'Allah, المهيمن, il a été cité dans un seul endroit du Coran, dans le verset 23 de sourate Al-Hashr, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, c'est Allah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, Al-Muhaymin, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, Subhanallahi amma yushrikun. Qu'Allah soit purifié de tout ce qui lui associe. Et le sens du nom d'Allah Al-Muhaymin, le prédominant, c'est-à-dire celui qui observe les choses cachées, les choses enfouies dans les poitrines, celui qui cerne toutes choses par sa science, celui qui est témoin contre toutes ces créatures selon ce qu'elles œuvrent, celui qui les observe, qui observe ce qui émane d'eux comme parole ou acte. Rien de leur acte ne l'échappe, et rien ne serait-ce de la taille d'un atome dans les cieux et la terre ne peut lui échapper. Amma al-muhit, quant au nom d'Allah azawajal al-muhit, celui qui cerne, il a été cité dans plusieurs endroits du Coran. Parmi ces endroits, le verset 126 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah azawajal dit, selon le sens, Allah embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Et il dit azawajal dans le verset 120 de Surat Al-Ali Imran, Allah cerne parfaitement ce qu'il faut. C'est donc un nom qui prouve qu'Allah azawajal cerne toutes choses par sa science, par sa puissance et par son pouvoir. Qu'Allah cerne toutes choses par sa science, sa puissance et son pouvoir. Il cerne toutes choses par sa science. Rien ne peut échapper à sa connaissance, ne serait-ce même la taille d'un atome dans les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal cerne par sa puissance. Rien n'est difficile pour lui dans les cieux et la terre. Allah est capable de toutes choses. Et il cerne par sa puissance. Personne ne peut lui échapper ni s'enfuir de lui. Il dit Azza wa Jal dans le verset 33 de Sourate Ar-Rahman, ô vous les djinns et les humains, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. In istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu. Si vous pouvez, allez-y, faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité, dont Allah Azza wa Jal est le seul détenteur. Cheikh Al-Abbad dit, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous sauver du commandement d'Allah et de sa prédestination. Car Allah cerne toutes choses par sa science, par sa puissance et par son pouvoir. ثم قال حفظه الله المقيت جاء اسم المقيت في موضع واحد وهو قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا قال ابن كثير رحمه الله وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفظا وقال مجاهد شهيدا وفي رواية عنه حسيبا وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب وقال الضحاك المقيت الرزاق ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه وأحاط بهم قدرته فهو على كل شيء قدير وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان المقيت que je ne peux pas traduire. Donc on le dit comme cela, Al-Muqit. C'est un nom qui est cité dans un seul endroit du Coran, dans le verset 85 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit selon le sens, quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession portera une part de responsabilité et Allah est puissant sur toute chose. Wa kana Allahu bi kulli shay'in 'ala kulli shay'in muqita. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: la parole d'Allah et Allah est puissant sur toute chose. Abdullah ibn Abbas, Atiyya, Qatada et autres ont dit que Muqita, c'est-à-dire celui qui préserve. Qu'Allah préserve toute chose. Mujahid a dit celui qui est témoin, c'est-à-dire de toute chose. Et dans une version, que c'est le signification « Ihasiba », celui qui juge. Saïd ibn Jubayr, Asud ibn Zayd ont dit Qadira, celui qui est capable de toute chose. Et Al-Dahhak a dit Al-Razzaq, celui qui accorde la pourvoyance, le pourvoyant. Cheikh Al-Abbad dit, et rien n'interdit que ce nom divin d'Allah Al-Muqit englobe l'ensemble de ses sens. Et que le sens de Muqit soit celui qui cerne par sa science l'ensemble de ses serviteurs et leur situation et ce dont ils ont besoin. Qu'Allah les cerne par sa puissance. Il est capable de toute chose. Et il prend en charge leur protection, leur pourvoyance. Il donne la protection, il donne la pourvoyance des corps à travers en les nourrissant et en leur donnant leur pourvoyance, et il nourrit les cœurs de ceux qu'il veut parmi ses serviteurs par la science et la foi. Thumma qal al-wasi' l'immense. Ismullah al-wasi' takarrara fi 'iddati mawadi' min al-Qur'an. Wa ma'nahu al-wasi' الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم قال تعالى في بيان سعة علمه ورحمته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال في بيان سعة رزقه إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال في بيان سعة مغفرته والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الواسع الإمانس. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été cité dans de nombreux endroits du Coran. Et son sens est l'immense dans ses qualificatifs et ses attributs, et tout ce qui y est attaché. De telle sorte que personne ne saurait lui faire les éloges, كما بل هو كما أثنى على نفسه. Mais seul Allah peut faire les éloges de soi-même comme il se doit. Wasi'ul 'azama. Il est immense. Il est immense dans sa souveraineté et dans sa royauté. Il est immense dans ses bienfaits et sa bienfaisance. Il est immense dans sa bonté et sa générosité. Il dit subhanahu wa ta'ala pour montrer l'immensité de sa science et de sa miséricorde. Il dit, on le sent dans Surat Ghafir, le verset 7, « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde. » Et il dit, subhanahu wa ta'ala, pour montrer l'immensité de sa pourvoyance, il dit, Azza wa Jalla, selon le sens, dans le verset 32 de Surat An-Nur, « S'ils sont besogneux, c'est-à-dire s'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. » Allah les rendra riches par sa grâce, car Allah est immense et il est omniscient. Wallahu wasi'un alim. Et il dit Azza wa Jal, pour montrer l'immensité de sa miséricorde, il dit Azza wa Jal dans le verset 268 de Surat al-Baqarah, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, Allah est immensément généreux et il est omniscient. Et parmi les preuves et les sens de ce nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wasi', parmi ses sens et ses preuves, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une largesse à ses serviteurs vis-à-vis de leur religion et ne leur a imposé que ce qui est dans leur capacité. Il dit Azza wa Jal, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. À Allah donc appartient la louange vis-à-vis des bienfaits dont il nous a comblés et vis-à-vis des choses dont il nous a facilitées. Nous le remercions et nous le louons grandement, comme il aime cela notre Seigneur, et comme nous le louons jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.